بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala l'explication de Kitab al-Tawhid, donc le livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. On est arrivé à la parole de l'auteur lorsqu'il dit Babun قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. Le chapitre concernant la parole d'Allah, le Très-Haut, il pense d'Allah ce qui n'est pas conforme à la réalité, ce qui n'est pas conforme à la vérité. Mais ils ont des pensées conformes à la période anté-islamique. Ils disent, est-ce que nous avons une part dans le commandement? Est-ce que nous avons ne serait-ce qu'une part dans le commandement? Qul innal amra kullahu lillah. Dit, tout le commandement revient à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce verset concerne, ayyul ikhwa, ce verset concerne les munafiqoun, les hypocrites. Après la bataille de Uhud, lorsque certains parmi les croyants furent touchés et blessés et d'autres tués par les incroyants de la Mecque, alors là, les munafiqoun, les hypocrites, ont commencé à montrer leur visage. Ont commencé à mettre en évidence leur déviance et à montrer la mauvaise opinion qu'ils avaient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ils avaient des pensées concernant Allah tabaraka wa ta'ala qui n'étaient pas conformes à la réalité, mais qui n'étaient pas conformes à la vérité. Et ils disaient, si seulement on avait une part du commandement. Est-ce que nous avons une part de commandement? Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala, ou du moins Allah tabaraka wa ta'ala, à la suite même de ce verset, il nous cite, tabaraka wa ta'ala, qul innal amra kullahu lillah, dit tout le commandement tout entier revient à Allah tabaraka wa ta'ala, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak, ils cachent en eux-mêmes ce qu'ils ne te montrent pas. Ils cachent dans leur fond intérieur ce qu'ils ne te montrent pas. Yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna. Ils disent, si on avait une part du commandement, on n'aurait pas été tué là-bas. Ce qui est voulu, on n'aurait pas été tué à Uhud si on avait une part du commandement. Et donc aujourd'hui, ces gens-là, ils vont premièrement montrer qu'ils ne sont pas blâmables. C'est pas nous qui devons être blâmables, parce que le commandement n'est pas entre, c'est pas nous, on n'a pas eu de choix. La décision ne venait pas de nous. Et ensuite, il y a dans cela le fait de s'opposer au destin. Le fait de s'opposer au destin. En réalité, beaucoup de personnes, lorsque un mal les touche, vont avoir cette faiblesse. Le fait de s'opposer à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété. Allah éprouve ses serviteurs. Et malgré cela, le serviteur doit garder une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certains vont se dire, mais quel est le lien entre ce sujet et le livre Kitab al-Tawhid? Le lien est clair. Le fait qu'il est obligatoire au serviteur de croire au destin, d'avoir une bonne opinion de son Seigneur, et que cela fait partie du tawhid. Ensuite, l'auteur qui dit, rahimahullah, qui cite la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءُ. Et donc, ceux qui pensent du mal d'Allah. Alors ces gens-là, qu'ils soient atteints par un sort, qu'ils soient atteints par un mauvais sort, par un mal. Et donc ces gens-là, ils avaient une mauvaise opinion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils pensaient qu'Allah n'allait pas secourir les croyants. Ils pensaient qu'Allah n'allait pas les secourir. Et donc, ils pensaient que l'affaire se serait mal terminée pour les croyants. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que l'affaire se termine mal pour eux, les hypocrites. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, il nous dit « Yu'adzib al-munafiqina wal-munafiqati wal-mushrikina wal-mushrikat al-dhannina billahi dhanna s-saw alihim da'iratu s-saw » afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, les polythéistes, hommes et femmes, ceux qui ont une mauvaise opinion d'Allah. Et donc les croyants doivent avoir une bonne opinion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, dans cette même sourate, Allah tabaraka wa ta'ala cite quelle mauvaise opinion ils ont eue, ces gens-là. Bel zanantum. Allayyan qaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw. Et donc vous avez pensé que le messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les croyants n'en retourneront jamais auprès de leur famille. Ça veut dire vous avez pensé que Allah tabaraka wa ta'ala allait donner la victoire aux incroyants, mais une victoire définitive qui fait que la situation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des croyants s'éteignent et disparaissent. Et que l'islam disparaisse. Vous avez eu une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela a été embelli dans vos cœurs, cette mauvaise opinion. Et donc il est important, ô chers frères et sœurs, que malgré les épreuves qui nous touchent, on garde toujours une bonne opinion d'Allah. Parfois on va être éprouvé dans la da'wa. On va être éprouvé dans nos familles. On va être éprouvé. Il faut qu'on endure, qu'on patiente et qu'on ait une bonne opinion d'Allah. Ne pense pas que la vérité va disparaître. Même ici en Martinique, ne pense pas que la vérité va disparaître. Aie une bonne opinion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et sache qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, secourt ses alliés. Et donc, sache que ce qui nous arrive... Ce qui arrive à la communauté musulmane va être lié à des épreuves. Ou aussi cela va être lié à ce que nous avons fait de nos propres mains. Ce que nous avons accompli de nos propres mains, le mal que nous avons fait. Et donc il est important que tu sois satisfait du décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Certains vont se plaindre, ah mais si, ah mais ça, ah mais tel groupe encore... Et etc, etc. Et on oublie que cela fait partie du décret d'Allah. Ensuite l'auteur qui nous cite une parole d'Ibn al-Qayyim. Il nous dit qu'Ala Ibn al-Qayyim rahimahullah fil ayat al-oula. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit concernant le premier verset. Et donc regardez, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans ce livre, il nous cite des versets, des hadiths, des paroles des ulama. Et il n'a rien ramené de nouveau. Il n'a pas inventé une nouvelle religion, un nouveau mouvement. Il n'a pas inventé ce que les gens appellent le wahhabisme. Mais ceci est un mensonge sur lui. Regardez, on le voit. Il nous dit « Qala Allah »,« Qala Rasulullah ». Ensuite, concernant la compréhension, il nous ramène les paroles des imma, les paroles des savants. Et donc Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit concernant le premier verset qui a été cité, fusira hadha dhannu bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayadmahil وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. Et donc cette mauvaise opinion a été expliquée en disant que c'est le fait de penser que Allah subhanahu ne va pas secourir son messager sallallahu alayhi wa sallam et que son affaire, sa religion viendra à disparaître. Et donc la personne qui a cette opinion-là a une mauvaise opinion. Et cette mauvaise opinion a été expliquée aussi par le fait de penser que ce qui est arrivé, donc les pertes qu'il y a eu durant la bataille de Uhud, que cela n'est pas lié directement au décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et à sa sagesse. Et donc il dit, Ibn al-Qayyim, فَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ الْحِكْمَةِ وَإِنْكَارِ الْقَدَرِ وَإِنْكَارِ أَنْ يُتِمَّ أَمْرَ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَهَذَا هُوَ ظَنُّ السَّوْءِ الَّذِي ظَنَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي سُورَةِ الْفَتْحِ. Et donc il dit, rahimahullah, et donc cette mauvaise opinion a été expliquée par le fait de rejeter la sagesse venant d'Allah, le fait de rejeter le décret, le destin d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et le fait de rejeter le fait que Allah, tabaraka wa ta'ala, va achever et compléter donc l'affaire de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et fera en sorte que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et sa religion soit au-dessus de toutes les religions. Et donc la personne ne croit pas en cela. Wahaza, et cela est la mauvaise opinion. Ceci est une mauvaise pensée concernant Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est la pensée qu'ont eu les polythéistes ainsi que les hypocrites dans Sourate al-Fatha. Il continue, Ibn al-Qayyim rahimahullah, et il dit, wa innama kana hadha dhann as-saw, wa innama kana hadha dhann as-saw, لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. Et donc ceci est une mauvaise opinion concernant Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que cette opinion n'est pas convenable à sa grandeur subhanahu wa ta'ala, n'est pas convenable à sa sagesse, sa louange, ainsi que sa promesse véridique. Allah tabaraka wa ta'ala a promis qu'il secourt sa religion. Et aujourd'hui, des gens vont douter. Des gens vont douter, mais non, etc. Des gens vont tomber dans des péchés pour satisfaire des incroyants. Tout ça parce qu'ils n'ont pas confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout ça parce que on n'a pas une bonne opinion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Pense du bien de ton Seigneur. Et qu'il secourt sa religion. Il continue, Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Écoutez bien ce que dit Ibn al-Qayyim. Cela nous concerne tous. Il dit, فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ الْبَاطِلَ عَلَى الْحَقِّ إِدَالَةً مُسْتَقِرَّةً يَدْمَحِلُّ مَعَهَا الْحَقُّ أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Celui qui pense que Allah tabaraka wa ta'ala il donnera le dessus au faux face à la vérité, de manière à ce que cela donc soit définitif, à tel point que la vérité disparaisse et s'anéantisse. Ou alors celui qui pense que ce qui s'est passé, donc le mal qui va toucher la communauté, le mal qui va nous atteindre, celui qui pense que cela ne s'est pas produit par le décret d'Allah ni son destin, ou alors celui qui va donc rejeter que le destin d'Allah tabaraka wa ta'ala est lié à une sagesse profonde qui nécessite la louange, subhanallah, peu importe ce qui arrive et ce qui touche les croyants, tu loues Allah tabaraka wa ta'ala, car ce qui arrive est lié à sa sagesse. Il est sage, tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nous louons Allah dans toute situation. Et donc cette personne qui a donc tous ces éléments qui ont été cités, c'est-à-dire le fait de penser qu'Allah va donner le secours aux faux de manière définitive, ou le fait de rejeter le destin d'Allah, ou le fait de penser que ce qui est arrivé n'est pas lié à la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, bel za'ama anna dhalika li mashi'atin, mais au contraire, la personne elle pense que cela est lié juste à une volonté simple. Ce n'est pas une volonté qui est liée à une sagesse. Donc la personne elle se dit Allah a voulu cela, mais c'est pas, elle n'a pas fait le lien entre la volonté d'Allah et la sagesse d'Allah. Il dit Ibn al-Qayyim, ceci est l'opinion de ceux qui ont mécru. Toute personne qui tombe dans cette situation, ceci est l'opinion de ceux qui ont mécru. Alors malheur à ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru, dit Ibn al-Qayyim. Il continue, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit « Wa aktharu an-nas yadhunnuna billahi dhanna as-saw fima yahtassu bihim wa fima yaf'aluhu bighayrihim wa fima yaf'aluhu bighayrihim wa la yaslamu min dhalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujaba hikmatihi wa hamdihi. » La plupart des gens, la majorité des gens, ils vont donc avoir une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qui les concerne eux-mêmes et dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait des autres. C'est-à-dire beaucoup de gens, la majorité, vont avoir une mauvaise opinion d'Allah concernant eux, ce qui va les toucher et ce qui va toucher d'autres croyants. Ils vont avoir une mauvaise opinion d'Allah. Hein? Surtout ceux qui vont tomber dans des péchés. Ils tombent dans des péchés pour, soi-disant, le bien. Hein? Pour le bien. Hein? Ceux qui vont nous appeler à se rebeller contre le gouverneur, à ci, à ça, ils vont te dire, mais il est injuste. Il est injuste. Taïb, oui, il est injuste. Mais est-ce que ça veut dire que tu dois te rebeller? Il faut se rebeller, enlever cette injustice. Cela fait partie du décret d'Allah. Le fait que ce gouverneur injuste soit placé là, cela fait partie du décret d'Allah et de sa sagesse. Et donc tu ne dois pas avoir une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala et tomber dans un péché pour essayer d'enlever le décret d'Allah. Et donc la majorité des gens ont une mauvaise opinion concernant leur Seigneur, soit ce qui est lié à eux ou ce qui est lié à d'autres personnes. Et les seuls qui sont préservés de cela, les seuls à être préservés donc de cette mauvaise opinion, sont ceux qui ont connu Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms et ses attributs, et ce qui va impliquer donc sa sagesse et sa louange tabaraka wa ta'ala. Et donc, barakallahu fikum, ça nous montre, cette parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, elle nous montre l'importance de quoi? D'apprendre la aqida, d'apprendre la croyance, d'apprendre le tawhid, d'apprendre les noms d'Allah et ses attributs. Qui est notre Seigneur? Tabaraka wa ta'ala, celui que nous adorons nuit et jour. Qui est-il? Il ne te suffit pas d'apprendre à faire la prière, mais il faut que tu apprennes aussi qui est ton Seigneur, afin de ne pas tomber dans cette forme de mécréance. Et ensuite il dit, Nul Qayyim rahimahullah, فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا وَلْيَتُوبْ إِلَى اللَّهِ وَلْيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Alors que celui qui soit doué de raison, et celui qui est sincère, honnête envers lui-même, qu'il saisisse cette occasion afin de se repentir à Allah tabaraka wa ta'ala, implorer son pardon à cause de la mauvaise opinion qu'il a eue de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. Et si tu cherches chez qui tu peux chercher, si tu peux fouiller chez qui tu peux fouiller, parmi les gens, alors là tu verras qui là, donc cette personne chez qui tu fouilles, cette personne chez qui tu cherches, tu verras que cette personne, elle a donc cette exagération, ce mal concernant le destin. Hein? Cette personne qui va rejeter la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant le destin, le fait de se blâmer concernant le destin, mais pourquoi? Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi tel mal? Et pourquoi telle chose? Et que la personne qui dira kana yanbaghi an yakuna kadha wa kadha, la personne donc qui dira normalement ça aurait dû être comme ça et comme ça. Normalement, ça aurait dû être comme ça et comme ça. Combien de fois on entend ça? Ya ikhwa, cela, c'est le destin d'Allah, c'est le décret qu'Allah, c'est le destin qu'Allah a décrété. Et donc, nous devons patienter, implorer son pardon, tabaraka wa ta'ala, fa mustaqillun wa mustaqfir. Et donc, tu trouveras des gens qui ont cette erreur qui est propagée chez eux, qui prend beaucoup d'ampleur. Et d'autres personnes qui ont cette erreur chez eux, mais qui n'est pas propagée chez eux et qui ne prend pas beaucoup d'ampleur chez eux. Ils vont moins souvent la faire. Wafattish nefsek. Il continue de nous le cogner, il dit. Et ensuite, fouille ta propre personne. Et fouille ta propre personne. Hein? Est-ce que toi, tu es dans ce cas-là? Hel anta salimun. Est-ce que tu es préservé? Est-ce que tu es préservé de cette mauvaise opinion envers ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala? Ensuite, il cite un vers, donc d'un poème, il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, فَإِن تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِعَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيَا. Et donc, si tu es sauvé de celle-ci, de cette mauvaise opinion, de cette épreuve, alors, tu es sauvé de quelque chose de terrible. Si tu es sauvé du fait d'avoir une mauvaise opinion envers ton Seigneur, alors sache que tu es sauvé d'une épreuve terrible qui touche beaucoup de personnes. Mais si tu n'es pas sauvé de cela, si tu as cette maladie en toi, alors je ne pense pas que tu sois sauvé. Fin de citation. Cette belle parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qu'il nous cite dans Zad al-Ma'ad après justement avoir cité ce qui s'est passé durant la bataille de Uhud, il nous cite justement cette leçon que nous pouvons tirer de cette bataille qu'il y a eu entre les compagnons et les incroyants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous devons tirer des leçons, aux chers frères. Nous devons tirer des leçons, comprendre que le destin fait partie du tawhid. La croyance au destin fait partie du tawhid. Et que si tu n'as pas le destin, tu n'as pas de tawhid, comme on le verra au cours, si tu ne crois pas au destin, tu n'as pas de tawhid, comme on le verra au cours précédent. Inch'Allah ta'ala, on va arrêter là pour aujourd'hui. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos fautes, de purifier nos cœurs de toute maladie et de toute mauvaise opinion. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de faire de nous, donc de nous placer parmi ceux qui gardent toujours une bonne opinion de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, peu importe ce qui arrive. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.